Le Planète Rap avec DJ Kayz, yes. Et le projet Paris Oran New York est dans les bacs depuis une quinzaine de jours maintenant. C'est ça, une quinzaine de jours, c'est dispo. Validé, validé. Et là, on a mis validé un titre qui a fait du bruit sur la toile. Et on l'a mis il y a à peu près 2 semaines. Il a 1 500 000 vues. Et, Axel Tony, on peut Axel quand même Tony, rappeler les protagonistes dedans également. Bien sûr, Axel Tony et Ritza. Voilà, et ils ont fait un titre de malade. Donc ça a eu beaucoup de bruit. Et on est content de vous le faire jouer tous les soirs. Là. Il est 20h pile. Il est grand temps d'annoncer ceux qui vont être là avec nous jusqu'à 21h dans l'émission Kayz. On y va, en fait. Bien sûr, on va faire des je te laisse faire. Ah, tu étais même pas galant, toi. Je pensais que vraiment. Bah, il y a lui aussi. Non, mais je sais, mais regarde. Ah, c'est vrai. Non, je pensais que t'allais. Ah, ouais, toi, t'es vraiment. Madame, alors. Mais quand on va l'entendre rapper tout à l'heure. Vraiment, mais aucune classe, Kayz. Bon, ça va, allez, je me rattrape. Donc, alors, attention, roulement de tambour. Qui est à la table de Planète Rap? Kaylin, qui est de retour avec nous. Comment va? Ça va et toi? En pleine forme, t'as vu? Très bien, ouais. Pas sympa, hein, tu t'en souviendras. Que nos auditeurs connaissent, je pense. Bah, un moment qu'elle est dans le. Ouais, bah, un moment elle avait arrêté pour les études. C'est ça. Et là, depuis quoi? Depuis quelques. Bah, depuis qu'elle est avocat. Quelques mois, c'est reparti, j'ai envie de dire. C'est reparti, voilà. Depuis septembre, donc freestyle. Depuis le freestyle du mois de septembre. Je vois des morceaux arriver comme ça à droite à gauche. Voilà, exactement. Je participe à divers projets, notamment j'ai répondu à l'invitation de DJ Kayz. C'est un honneur pour moi de participer à sa compile. T'avais pas fait de Paris Oran New York? Non, on devait faire il y a, je crois, maintenant une dizaine d'années. Ah je crois, c'est pour ça. Moi, je l'ai connue toute jeune et elle rappait déjà. Elle avait. Ah, découpe, Kayz. Ouais, énergique. Merci. Déjà et elle a pas décoté, elle est même encore pire qu'avant. Merci. Pire dans le bon sens. Ouais, dans le bon sens. Allez, pire qu'un. Non, c'est une kickeuse, tout le monde le sait. Ouais. Merci. Et on aura peut-être d'ailleurs un aperçu tout à l'heure. Bien sûr. Si tu nous fais un freestyle d'ici la fin de l'émission. On va faire un freestyle de fou avec elle. Elle m'a fait écouter l'instru déjà. Je sais que ça va kicker dur. Et bien, ce sera tout à l'heure avec Kayline. On parlera aussi de l'actu de Kayline. On continue avec Aaron. Aaron. Qui est Aaron? Alors, Aaron, c'est un jeune de banlieue parisienne qui chante du rail. Chante au rail. Voilà. Il y a des Kaira rail maintenant. Des Kairai. Ouais. Voilà, donc moi je l'ai découvert à travers des titres qu'il a fait il y a quelques années. Et c'est la première fois qu'on collabore et on est très content. Il a une étiquette vocale, une douceur dans le chant rail, vraiment qu'il va s'exprimer d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça en fait, il m'a confondu avec Kayline au début, tu vois. On va commencer par présenter Aaron. Bah oui, c'est ça. Je comprenais pas. C'est un moment de craquage, mais c'est la chaleur. Non, pour tout le monde attend. Non, c'est ça en fait, pour moi, c'était limite un honneur de faire Kayz, pour être franc, parce que c'est quelqu'un en fait. On va pas dire s'il m'a donné envie de faire de la musique, mais en tout cas dans tout ce qui est R&B, tout ça, les premières compiles, j'ai commencé par écouter Kayz, donc pour moi c'était évident en fait de collaborer avec Kayz, c'est un honneur. Et je suis content des titres que j'ai fait cette année en plus. Voilà. Mais même moi je suis content parce qu'il est sur 3 titres. Ah oui, c'est très content. Qu'on va écouter tout à l'heure. Ah ouais, non, mais on l'a fait poser une fois, on a dit on peut pas s'arrêter là. Et puis quand il y a de la qualité, on l'exploite au max. Et ça fait plaisir de collaborer avec la fraîcheur du rail. Merci. On écoutera ça tout à l'heure. Bien sûr, il y a aussi un ami belge qui est venu le voir. Voilà, mets le casque si tu veux. Il s'appelle Nordine. Bon, alors lui, il a plusieurs casquettes. C'est d'abord un très grand compositeur. Pour moi, les meilleurs compositeurs de Belgique et peut-être aussi de France, mais en tout cas, c'est des tueurs à gages. Lui et son équipe, Magix, ils sont 2 ou 3, je crois. On est 3. Ils sont 3 et en même temps, ils chantent et il a interprété un morceau oriental sur mon morceau qui s'appelle Willy Willy, qu'on aura l'occasion d'écouter tout à l'heure. On découvrira aussi, ça va bien, Nordine, en forme. La Belgique se porte bien. Il fait chaud. Comme partout. Comme partout, on met ça. Allez, hop, c'est reparti sur les canicules. Voilà. Bon, bienvenue, installe-toi au frais, ici dans le studio Planet Rap. On continue. Voilà, il y a Dadas. Voilà, nouveau artiste. Voilà, il chantait, il nous vient du Burkina Faso et qui habite en France depuis maintenant. Depuis maintenant 5 ans. 5 ans. Oui. D'accord, je suis pas chanteur avant, mais je suis dans le domaine artistique. J'ai travaillé beaucoup. Déjà au Burkina, tu chantais ou c'est arrivé au Burkina plutôt... Je me faisais accompagner par des chanteurs, par des musiciens parce que je suis comédien-conteur à la base. Et aussi au Burkina, je travaille dans la production, je produis des jeunes artistes, il y a certains qui sont ici en France. Et puis voilà, ici en France, quand l'art ne nourrit pas son homme, il faut que l'homme travaille pour nourrir son art. Donc j'ai quitté un peu la scène, et je travaillais un peu, je fais de l'animation commerciale en grande distribution et c'est là que j'ai fait de très belles rencontres. et j'ai été repéré par un jeune artiste, le fils de Juste, Camille, ouais, Juste, qui a dit ouais. Papa, ce monsieur ce qui là, chante faut, voilà. En vendant ses acras et ses ananas, ah, c'est marrant. En fait, voilà, en fait, il est animateur dans une grande surface, quoi. Voilà, de banlieue, proche ouais. banlieue, et il c'est a été ça. Repéré par le fils de et Juste. Parce que toi, t'as un stand particulier, tu fais un truc. Voilà, moi, je suis là tous les week-ends, et je chante du matin au soir. Tu peux nous faire le slogan des ventes de acras. Au micro là. Alors comment tu fais dans le magasin? Allez, allez, allez, allez, à nous, allez, madame, messieurs, laissez-vous tenter, à cracho, c'est bon. Colombo de poulet, aïe, aïe, aïe, clémentine est plein de vitamines, à ça donner la bonne mine, aïe, aïe, aïe. Voilà, et voilà. Le magasin, il pourrait te filer des primes hein, quand même. Hein, parce que, je pense que leurs chiffres, ils doivent être contents. Ça doit vite partir les acras, les clémentines. Quand je suis là, les clients sont contents. Le magasin aussi est content. Et puis voilà. Moi, je suis content parce que ça aboutit à quelque chose. Et grâce à eux, j'ai rencontré DJ Case. Mais c'est marrant, moi, j'adore ces parcours. C'est comme les gens qui chantent dans le métro, etc. Ah ouais, à un moment, t'as quelqu'un qui passe, qui se dit tiens. L'histoire, c'est celle-là. Voilà, c'est ça l'histoire en fait. C'est que voilà, toi, tu chantes, c'est ta passion avant tout. C'est ça. Comme il faut bien se nourrir, normal, obligé de faire un peu des jobs à droite, à gauche. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il y a qui passe dans le magasin? Un jour, voilà, il y a Juston qui me dit, mais tu sais, mon fils, tu lui diras merci parce que je suis sur un projet avec DJ Case, tu le connais? J'ai dit, non, je ne connais pas bien parce que voilà. Il dit, mais tu viens dans mon bureau, tu verras. Je suis arrivé au bureau, il me dit, il faut que tu chantes. Nous, on sait que tu peux faire quelque chose. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit un vendeur de fruits et légumes, voilà, qu'est-ce qu'il a foutu ici, quoi. Il dit non, vas-y, attends, on va te mettre l'instru, tu vas voir. Et dès qu'ils ont mis, j'ai fait un freestyle. Il dit c'est ça qu'on veut. C'est ça, voilà. Eh ben terrible. Je devais partir au Burkina. J'adore ces parcours. J'adore ces trucs. T'es là, d'un seul coup, bam. Et voilà. Il y a un moment, il y a une rencontre qui fait, parce qu'on le sait aussi, hein, ce boulot, c'est aussi parfois des rencontres. Ouais, puis le petit coup de chance qui fait que t'es là au bon endroit, au bon moment. Oui, en fait, son fils, tous les soirs, ils allaient faire les courses dans le même magasin. Et tous les soirs, il écoutait, il disait il est trop fort et tout ça. Donc aujourd'hui, il est sur un featuring avec l'homme qu'on appelle l'artiste et Ahmed Chaouki. Le titre c'est Il faut avancer. Il faut avancer. Ah, bah, on l'a passé aussi. Bien sûr, on l'a mis hier. Ouais. Voilà. Et bah, merci d'être là en tout cas. Magnifique. Dadas, et merci à Skyrock, voilà. Paris Aura New York et tout le monde. Là, il y a à ma droite Kamel l'ancien. Qui est de retour lui aussi. On ne te présente plus. Salut. Ça va bien tout le monde? Ouais, ça va et toi? En forme? Fait ouais, plaisir de te voir aussi. Plaisir partagé. Sur le projet de DJ Case. Aïe. Paris, même entendre Ramadan, il a pu passer, donc ça fait plaisir. Ouais, non, normal. Hein. Bah, c'est pour aussi apporter du bonheur à tout le monde. Donc, c'est aussi fait pour ça. C'est aussi des rencontres. Voilà. Exactement. Bon, tout va bien. Donc, je sais que tu bosses aussi, toi, durement aussi en ce moment. Ouais, ça fait un an et demi, je suis sur l'album, là, qui est prévu pour le 25 septembre, Inch'Allah. Voilà. Donc 25 septembre, le retour de Kamel Lance, Kamel l'ancien, Kamel... Les deux. Kamel, les deux. Ok. Et ce sera à partir du 25 septembre, et puis en attendant... 25 septembre. Sur Paris, Oran, New York. Et puis on finit par quelqu'un qui avait aussi tout explosé lors de son dernier passage dans le Planet Rap avec Ritza. Aussi Nelka. Aussi Nelka. Bonsoir Fred. Ça va aussi? Ça va, merci à toi. C'est aussi Nelka ou aussi Nakalash alors maintenant? Aussi Nelka. Aussi Nelka. Non, je dis ça, c'est vrai que tu étais venu dans le Planet Rap de Ritza. Hein, ça, c'est ça. Ouais, il y a peu de temps. Ouais. Et avec très un gros freestyle vidéo qui a tout explosé sur le net. Ah, ça va, il y a eu très bon retour, j'étais très très content. Ça fait plaisir. On va refaire ça bien tout à l'heure. Deuxième round. On refaire ça bien, on est là. On soutient le projet Paris Oran New York. Je suis en featuring avec Aaron sur un morceau qui s'appelle Paris Oran Casa. Et voilà, bon, on découvrira ça tout à l'heure. Là, on balance un morceau. Junji. Dieu, ouais, je crois que c'est ça. Hein, c'est ça, il me semble. Junji, bah oui. Allez, c'est parti. Mister You, Sofa Akara, Dr. Zeus. C'est sur le projet. Je voudrais me s'excuser, je fais un bitches. Un chéri qui, j'ai pris un cheese. Et ce soir, on va s'asseoir. C'est DJ Case et Mister You. De Paris au Roller Q. De Marrakech à Bollywood. Casa Negra, Brésil de Who. C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois bières, je suis faillage, je quitte la terre. Je rejoins l'espace, c'est comme boy quand je lève mon majeur. Je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste, nos platines, c'est sur Jigga. J'ai sur plein de fiottes. Je suis en ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichos. Avec Aisha Andisha. Mister You, Bouba Paris Roller la New Delhi, je mange un tandoori. Ah ouais, je repense à Paris et ce vieux temps pourri. Je me fais masser, je fais bronzer tout l'après-midi. Je goûte toutes sortes de cocktails, fraises, vodka, litchi. Bref, pour le moment, si j'investis, c'est pour la maman. J'ai pas trop le temps, donc s'il vous plaît, on parle à ma montre. Ce soir, chauffe tout le monde, même quand je le pousse à bout. On se croirait dans les Simpsons, les poussiers, je l'appelle à pou. DJ Kaiz et Mister You, Bombay, Paris, Renard Q, de Marrakech à Bollywood, Casamigra, Boys in the Hood. À l'instant, c'est un extrait de Paris, Oran, New York avec DJ Kaiz. Et pendant qu'on écoutait le morceau, une arrivée, Kaiz, hein, dans le studio. Quand on prend ton micro devant toi, quand on laisse présenter celui qui vient d'arriver. Ouais, pour ceux qui... Ah oui, il y a Mokobé qui vient d'arriver. Mais bien sûr, les jaloux vont maigrir comme jamais. Vont maigrir, vont sécher. Vont sécher, c'est le moment là, de sécher là. Comment va Moko? Super. En forme? Super. Mokobé est là avec un morceau que vous entendez aussi sur Skyrock, qu'on trouve d'ailleurs sur le projet de DJ Kaiz. Hein. Ouais, en exclusivité. C'est le seul à avoir eu le droit d'avoir ce morceau-là. C'est la famille. Il y a deux morceaux. Il y a un morceau avec Diesel et Dry. Ouais. Qui est un morceau qui fait grave le buzz sur le terrain. Et ça m'a fait plaisir de le revoir justement sur ce projet-là. Et voilà, il y a le morceau aussi avec P-Square, qui est le single. Là, le clip, il est sorti depuis lundi. Et ça se passe super bien, ça cartonne. Il y a gros morceau pour l'été et tout, vous êtes bien avec ce morceau. Ouais, super bon retour, je suis super content, c'est reparti comme en 40. Donc voilà, c'est du lourd. Bon, et quels sont les projets alors aussi, Mokobé, pour toi, ça arrive? Il y a des... Les projets, grosse tournée, il y a une grosse tournée qui va arriver. Là, il y a des dates dans tous les sens et voilà. Puis je suis en train de préparer l'album pour le mois d'octobre-novembre, donc je suis obligé d'un peu précipiter les choses. Et donc voilà, je suis content. Et puis là, ce soir, je suis venu soutenir le projet du frérot DJ Kaiz, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est la famille, voilà. Je peux pas, je dois être un des seuls à être deux fois sur le... On n'est pas beaucoup à être... Non, il n'y en a pas beaucoup, non. Voilà, mais Moko, il est là depuis longtemps, on se croise dans les soirées, on a fait plein de dates avec 113, avec Rimka, Moko, AP, et même Moko, soirée un peu partout, Montpellier, le sud, l'étranger, et il est toujours là, et on a même fait des concerts en prison... À Fleury, je crois. Ouais. Concert qui avait fait une grande polémique. Oui, c'est vrai. Il y avait une vidéo. On avait filmé. C'est vrai qu'il y avait une vidéo qui était sortie. On avait filmé pendant le concert. Mais donc voilà, c'est une histoire de longue date, donc c'est normal que je sois là. Donc voilà, en plein soleil, en plein ramadan. Eh ben écoute, bienvenue en tout cas, tu connais un peu tout le monde. Il y a Ossine qui est là, il y a Kaylin qui est là. Enchanté. Ah tiens, tout le monde. Dada, faut que je présente Dadas. Tu connais l'histoire de Dadas ou pas? T'as loupé l'histoire de Dadas? J'ai loupé, ouais. Dadas, il nous vient du Burkina Faso. Ouais, voilà. Ça je sais. Bon, je te l'ai fait rapide, hein. Et il bossait dans un grand magasin, il était repéré donc par le fiston de Justin Records. D'accord. Qui était là parce qu'il a une façon très à lui de vendre dans le supermarché, c'est-à-dire qu'il chante en vendant. Voilà. Et ça fait le buzz évidemment. Et donc tout le monde achète comme des dingues. Donc supermarché, super content. Et un jour t'as le fiston qui passe, qui dit: ah mais lui il faut faire quelque chose. Et il s'est retrouvé sur l'album de DJ Kaiz. Voilà. Lourd. Mortel. C'est mortel. Bon ces histoires. Toi aussi je sais que t'aimes ces histoires. Applaudissez s'il vous plaît quand même. Toi aussi je sais que tu aimes ces histoires, Moko. Mais j'aime bien ces histoires. Je sais que tu aimes ces genres d'histoires, ces parcours. C'est des parcours hyper originaux. Ça fait plaisir. C'est ça, c'est l'Afrique et tout. Mais ça fait plaisir. Mais j'ai hâte de voir ça. Il y a des vidéos où t'es au marché en train de. C'est même pas le marché, c'est un centre commercial Il y a des vidéos. Il y a des vidéos. Ouais, les gens le filment et tout. Ouais, ouais. Ok, je vais regarder ça. C'est bon, toi. C'est bien ça. Bien. Tu l'entendras chanter de toute façon tout à l'heure. Ok, super. L'album Paris en New York, c'est aussi beaucoup des trouvailles de ce genre-là. C'est des rencontres. Des rencontres. Qu'on n'a pas l'habitude de... Bon, dans un instant, tu sais quoi, juste après, on balance la pub en speed et tu reviens avec le medley parce qu'on avait promis un medley, donc on le balance après la pub. D'accord. Ne bougez pas, on vous attend aussi freestyle par téléphone et puis il y aura une session live avec tous les invités. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit DJ Kaiz pendant une heure complète, ce soir. Planet Rap. Planet Rap, DJ Kaiz. DJ Case au contrôle Paris, Oran New York. Yes. Une fois de plus, beaucoup d'invités qu'on va retrouver en live d'ici quelques minutes. Voilà, là je vais faire un mix avec les titres, quelques titres de l'album avec les artistes qui sont présents. Avec les artistes qui sont là ce soir. Voilà, et ils vont interpréter, ils vont... On attaque avec quoi alors? Tiens, Mokobe, P-Square. Eh ben c'est parti. Voilà, yeah. Qui est dans l'album Paris en New York. Getting Down. Getting Down. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Kai, we getting down, aïe, we getting down, Mokobe P Square, sur Skyrock, Planet Trap, DJ Kays. Cette chaleur, la famille. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Hey. Je veux voir Max vous sourire, pas de soucis. On est ensemble, ouvre dans ce monde obscurci. La joie dans tous vos yeux, je veux lire la douleur dans les cœurs, il faut goûter. Comme un stade de foot. C'est le monde qui nous écoute. Pas de doute, pas de haine. On prend cette route qui conduit vraiment de peine. On change de vision, furtive évasion. Parce qu'on cherche une seconde respiration. Devant le bonheur, ne fais pas volte-face. Enlève ton costard, on t'a gardé une place. Yeah, comme on aura dansé, reste pas bloqué, viens t'ambiancer. Pour le happy hour, compte sur moi pour vous mettre fire. Compte sur moi pour vous mettre fire. Compte sur moi pour vous mettre fire. DJ Case, compte sur moi pour vous mettre fire. Et Sirou, Farah, Hakim, dédicacé à tous ceux qui nous écoutent ici présents. Bon courage. Et prends le large, va t'évader. Cours cabale sans t'arrêter. On verra le soleil se lever. Tous ensemble vers les sommets. Pas de médaille, pas d'auréole. Rien que du love, c'est pas des lol. Un peu bonheur, faut qu'on décolle. Sous le même ciel, sur le même sol. Toi et moi dans le respect. Nos couleurs, c'est la vie. Pas d'embrouille, on se connaît. Ce soir, on est là entre amis. Ma demeure, c'est la planète. Je rends de la paix par la fenêtre. Toujours les mêmes sur la sellette. Un seul but, une victoire. Voilà ce qu'on projette. Et le clip est là. Et c'est ça. Tu sors de Panama ou Calcutta. C'est cool. Tu sors de Marseille ou de Bombay. Y'en a marre de se faire la guerre. Yes, l'artiste baby. Ça m'en a marre de prendre un verre. Des fois je m'isole, je suis dans un film. J'ai l'impression de jouer un rôle. J'ai peut-être fait le gangster dans mes clips. Mais allez, clair, allez, ça c'est bon. Tu vas avancer, tu vas bouger là. Tout le monde est ça c'est bon. Y'a pas de critères de foi et de couleur. Rejoins-nous, quel que soit ton secteur. Tout le monde est là, y'a mis ça gagné. Madame, messieurs, il faut. D'accord, moi c'est kérosine, j'arrive à bord du porte-avions de chasse, juste un record. Trop vrai, trop hardcore. La calage va encore cribler tout le décor. J'ai du plomb dans le chargeur, ils en ont dans le corps. A chaque apparition, ils en redemandent encore. Chicha, gros boule, Grégouze à ma table avec DJ Gaze. En showcase sur n'importe quel pitch, je suis imbattable. TBT, la voix du DZ. Puis on peut faire ce vodka. C'est pour Mick Bailey et mes chiens Winness Warren jusqu'à Casablanca. Comment le soir et on s'en jaille, halalala. Appelle les potos tous ensemble, ratatata. Paris, Oran, New York, Casa, Punta Cana. DJ Gaze, DJ Gaze, gros son, grosse banana. C'est la fin du ramadan, je me barre au bled. 6.3 Sheraton Hotel. Bordel, toute ma horde des hordelles. C'est le mariage du cousin, résine est dans le cortège. Charismatique, allongé sur le sable, couché de soleil. Wesh Orléans, le prestige. Ça y est, tu planes. J'suis pas de la petite bourgeoisie. Wesh les reines, dédicace à tous mes gars. DJ Gaze, Paris, Oran, New York. Toujours disponible, il faut aller chercher la famille. Sur iTunes, dans les bases. Comment le soir et on s'en jaille, halalala. Appelle les potos tous ensemble, ratatata. Paris, Oran, New York, Casa, Punta Cana. Aaron, DJ Gaze, gros son, grosse banana. Dédicacé Paris, Oran, New York, DJ Gaze, Lordine, Achali. The Magic, ça la prod. Ça vient de Belgique. Willy Willy Willy Anna, wesh sera li Willy Willy Willy Anna. Willy Willy Willy Anna, wesh sera li Willy Willy Willy Anna. Hey wa hey wa, DJ Gaze, Palette Rap, tout Skyrock la famille. Paris en New York dans les bacs, 2015. شحال نبغيك يا بنت الناس وعليك ديما عساس ديما فرحان ديما لاباس ما يهمنيش الكلام الناس هيا ديرو حالا هاد الليلة دي جي كيز معانا ويلي ويلي ويلي انا واش صرا T'as tes lunettes Dior, petite coupe au gel, t'aimes qu'on t'accoste. Sur Twitter tu gères, t'as trop la cote. Sur Instagram tu publies tes photos, collectionne-les comme des michetos. Ta place de peau au volant d'une Merco, c'est Jean Locke que t'as prêté ton poteau. Paris, Oran, New York, hey. Chômage, tu perds. Cabaret sur cabaret, t'es rodé. Ton seul souci, ton number d'abonnés. Ta story sur Snap, c'est un DVD. 3200 secondes à nous saouler. Qui aime bien, châtie bien, moi j't'ai charrié. À ce jeu, tu peux me croire, j'suis trop gradé. Ado, tu la feras, t'es démasqué. Algérienne, donc tu peux pas me disqueter. Ado, tu la feras, t'es démasqué. Méfie-toi, DJ Kaïs m'a raconté. Non, non, non, non, non, reste toi-même pour me fasciner. Non, non, non, non, non, j'avoue, dans le fond, j'aime trop taquiner. Paris, Oran, New York. Jam record 1. اغلب الاخويا فازي مولو غاديين للسعيدية جام السولو تم الانسيان البحر والموجي توجو دولو سهرة والرجلة وحبابي يقولو dans les packs Direction où je tape sur la file de droite. Je camène lance. Je m'arrête tranquille sur une aire de repos. Petit chant, on se crève un petit dodo. Sur un fond DJ Case, à l'aise. Je vois tous les jeunes de France sont devenus balèzes. Pas dans la concurrence, j'ai passé l'âge. Et les mecs, laissez-moi prendre de l'âge. J'ai passé la frontière, je suis en Espagne. Le plus dur à faire, traverser leurs montagnes. Que des portes bagages à perte de vue. Tu retrouves vite le chemin si t'es perdu. Pour rester éveillé, enchaîne les rêves. On chante tous en cœur, frère, on est dans notre bulle. Avec des fois de bateau, je vois des Marocains. J'ai une odeur, tu m'as mis l'ancien. البلاد لبحر والرب ليلنا وسعيدية ليلنا سهرة والرب ليلنا J'arrive à Nador, mon pays je l'aime, mais y'a Dieu que j'adore. On s'arrête au resto, taper une bonne criade. Les vacances commencent sur un fond de rigolade. Tête fatiguée, la route m'a tué. Encore quelques kilomètres et on est arrivé. La famille nous attend, ils sont tout préparés. On te raconte la route du bled, autour d'un bon bled. Vous voudriez que les bled, vas-y, mollo. Gadine, les saïdines, jamais solo. Le bahar ou le mouge, y'a toujours d'oro. À l'instant, mixé par DJ Case, bravo. Avec tous les artistes qui sont là présents ce soir. Yeah, yeah, yeah. Kamel l'Ancien, voilà. J'ai dit encore Kamel l'Ancien. Donc Kamel l'Ancien qu'on écoutait à l'instant. Yeah, c'est ça. Donc c'était une session un petit peu orientale avec Aaron, ce soir. Ouais. Voilà, et pas mal d'orientale avec Kailin, Aaron, Kamel l'Ancien, Dada, Smokobe, Osinelka et Nordin Achali. Et la Belgique qui représente la Belgique. Dans un instant, on va attaquer aussi au freestyle d'ici quelques minutes. Yes. On va attaquer le freestyle de Planète Rap avec l'équipe de Paris Oran New York. Par téléphone, je vous présente, c'est Denfima de Toulouse. Salut Denfima. C'est moi. Salut Fred. Salut ça va, tu as entendu ? Il y a du bon monde. Hein. Yes, j'étais. En plus, j'ai un truc avec les DJ. Hein. Je suis passé avec DJ Amida déjà il y a quelques temps. Uh-huh. Et bah voilà. Voilà. C'est un truc particulier, c'est un truc de DJ. C'est un, il y a une attirance pour les DJ particuliers. Bah, bienvenue à toi, en tout cas, tout va bien ? Ça marche. Ouais, ça va et toi ? Prêt à rappeler ? On va le mettre sur le prochain projet alors, ça veut bah, dire. C'est ça en fait, ça veut dire ça. On s'attrape après, y'a pas de soucis. Prêt à nous lâcher un freestyle par téléphone, on y va, c'est parti. On y va. 1 D-E-N-F-I-M-A Toulouse. 1 D-E-N-F-I-M-A. Et yo. On a pris du temps tout ça pour être précis en fait. T'écouteras mes sons même si mon haleine est pestilentielle. Matière grise et qualité d'abord. Mon style de rap, celui qui te grave d'accord. Je prends conscience de mes qualités, pas besoin de vanité. Le sablier est rempli et maintenant, ça y est, on y est. Qu'importe si on perd, la précision paye. Sache que le changement c'est maintenant et pas pendant les présidentielles. Quand je travaillais mes vers, tu squattais les fers. Y'a, si t'as rien à faire là, ben t'as rien à faire là. Ferme-la, gère tes, pour ce qui m'encercle et fais en sorte que chaque lors de de concert soit un jour férié. Fait d'entrer le roi que je le guillotine sec. Pas de punchline, je vise le 17 en disserte 1. Sans billet violé dans la copie double. Et puis je me casse en Bolivie car j'ai la jolie rousse et la folie pour. Les dieux m'ont envoyé sur terre pour les représenter. Je me fatigue en guerre pour mieux reposer en paix. Demain je lèverai l'encre mais pas le stylo. Tes oreilles ont mal à la gorge, je suis le sirop. Mettez les rappeurs à l'abri. La musique est une boussole alors je viens donner du sens à ta vie. Revois la lentille. Héros sans qui le rap ne vaudrait pas sans qui mais serait sans style. Revoilà la terreur, me défier y'a erreur. La rumeur dit que Jésus-Christ m'appelle Seigneur. Au lieu de raconter des banalités, je me surpasse. Je suis premier handicapé à marcher sur Mars. D-E-N-S-I-M-A. Voilà, Toulouse. À l'instant, en freestyle, merci à toi Denfima. Merci à toi Fred. Petit dédicace, petit message ouais, à passer, on t'écoute. Petit dédicace, message à passer. Il y a mon dernier clip, Faire avec, qui est sorti il y a une semaine maintenant, qui commence à pas mal tourner. C'est un truc original, je t'invite à y jeter un oeil, même si t'as l'occasion. Et voilà, big up à tous ceux qui Redis-moi le nom, redis-moi le nom. Faire avec. Faire avec, ok. D-E-N-F-I-M-A pour le blaze, Faire avec, et voilà. Eh bah ben ça roule, ça roule. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à vous pour l'invitation. Et bah, bon courage pour la suite en tout cas, Denfima, merci à toi. Ça marche, merci, big up. Paris ou New York, yes. Tu voulais qu'on mette un morceau en particulier, celui d'H Magnum, il me semble. H Magnum, Que la Night. Que la Night. Voilà, c'est un morceau qui va... Parce que c'est. Voilà, c'est déjà c'est le genre de son que j'aime, c'est-à-dire un peu afrobeat. Et H Magnum, il était déjà là aussi. Il était déjà là dans du swag déjà l'année dernière. Il est là tous les projets, lui, il fait partie de la team. Et si tu veux, les sons afrobeat, c'est à la mode, c'est déjà aussi ce que j'aime. Et le son, il dégage quelque chose de fou. Et cet été, il va cartonner, j'en suis sûr et certain. Donc on le balance maintenant Que la Night, et puis après, on passe au freestyle. Après, on fait le style free. Avec DJ Kaze et H Magnum, donc ce morceau Que la Night. Que la Night, c'est un morceau que qui la night. Déchire. Moi, ce morceau, c'est. Voilà, j'aime tous les morceaux du projet. Celui-là, c'est. Et un particulier. Et là, il est particulier. Ah, donc... Forcément, sur 30 morceaux, t'as tes petits 31 chouchous. 31 morceaux. 31 morceaux, pardon. Merde. T'as forcément des petits chouchous, c'est bien sûr. Bien sûr, voilà, et ça en fait partie. Et bah, il en fait partie que l'année dernière avec H Magnum, qu'on salue aussi. H c'est Magnum. Ça qu'on salue, voilà, il était là l'année dernière, on avait fait le titre du swag avec Maître Gims. C'est un vrai gros carton. Hein, gros carton de l'été dernier, et là, celui-là, on le pousse. Voilà, on va sûrement faire le clip, je pense. Bon, et puis, avec les soirées qui arrivent, tout ah, ça. Oui, ça va, ah oui, l'été, ce sera encore placé sous le signe que et la ouais. Night est sur Paris, Oran, New York. J'ai quelques dédicaces vite fait à faire. J'en fais une pour mon ami Fouad Choumi qui était là, lui, c'est le transporteur à Paris. Fouad, voilà, c'est le mec qui connaît, fait trois tours de périph' en une minute. C'est ça, hein. Il a fait un petit coup de tour. Et les Orans, en plus. Bah écoute, ça a tout comme à tous les Algériens, tous les Arabes, tous les musulmans du monde. Les Marseillais. Et bah écoute, faut et les autres peuvent direct. Se gratter en fait. Exactement, exactement. Pour les gars, surtout le bon sang de mon cousin Kaïs et Jamel. Kamel des Anges. Et voilà, il y a Kamel des Anges aussi qui est là, que vous avez mais je me disais, je connais cet homme sous son chapeau. Il est postiché, bon, moi c'est pas Nabila, c'est pas moi c'est Kamel tout simplement. Faut arrêter de me saouler avec tout ça. Mais voilà, t'as un peu moins d'atout que Nabila. Hein, ouais mais j'ai pas loin, on est pas loin. Bon, en tout cas on vient soutenir notre pote DJ Kaïs, donc voilà, c'est le son de l'été. On l'a écouté l'année dernière à Oran, donc cette année on va le réécouter à Oran et Casa, Marrakech et voilà. Donc achetez le CD parce que c'est du lourd. Et ben merci à toi Kamel d'être dans le coin aussi. Merci. Voilà. Et dédicace à Chichko aussi. Chichko, mon gars, la famille Barbès de Barbès, c'est la famille Bachar. Big up à Mohamed Bachar, Chichko, toute la famille. Voilà, bon, on fait des dédicaces comme on peut. Il y a qui Ibrahim aussi qui est là. Il y a après, le Chinois qui est dans le coin. Il y a juste, il est là le cerveau. Bon, est-ce que t'es prêt à nous balancer ben oui. Parce que regarde qui est aussi au micro, regarde. Il y a Kaylin là. Il y a Kaylin et Osinelka. Osinelka. Les deux gros découpeurs. Voilà. Là, c'est. Ça va faire Kaylin. Mal. Kaylin, je sais que voilà. Et aussi, il va terminer le truc. Eh ben, on y va, c'est parti, coup d'envoi. Honneur aux dames, donc on va laisser Kaylin. Ah, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Kaylin ? Session live. Merci. Merci à toi. Kaylin, Skyrock. DJ Kaïs. Ok. À la salle, tu pousses, fais le beau gosse. Pour impressionner, t'as tes lunettes Dior. Petite coupe au gel, t'aimes quand t'accostes. Sur Twitter, tu gères, t'as trop la cote. Sur Instagram, tu publies tes photos. Collectionne les coms de Michto. Ta place de peau au volant d'une Merco. C'est une loque que t'as prêté ton poteau. Juste pour le chef. Ok. Dégué, dégué, barque, dégué, dégué, gus. Flo qui se démarque de tous tes petits gus. J'ai comme le dollar, pouvoir absolu. J'kick, profite mon art, plane comme un Airbus. Sortez les verres et la taille quand c'est salut. Comme hôtel Yamas, moi je n'ai pas de nume. J'aime trop la détente, j'me barre au soleil. Lunettes Gucci, sur préviens tes collègues. Faut pas me chauffer, gentil, on tolère. Tu ruses, on colère, t'abuses, on te lève. Demande aussi si t'as le style, ne s'achète pas. Mais pour tout le reste, frérot, y'a Mastercard. C'est pour les beautés, les folles des quartiers. Les BG, les dards bleus au chico éclaté. C'est pour les beautés, les folles des quartiers. Les BG, les dards bleus au chico éclaté. Ratatatata. Oh là là là là là là là. On est là, là là là là là. Full d'awa, wa wa wa wa wa. Et sur Skyrock, on fout le bordel. Kaylin, Kaïs, fais pas ta rebelle. Sur Skyrock, on fout le bordel. Kaylin, Kaïs, fais pas ta rebelle. Sur ton pseudo, tu dis que t'es l'emporté. T'en oublies que t'es au chômage, puis perpète. Cabaret sur cabaret, t'es rodé. Ton seul souci, ton number t'abonné. Ta story sur Snap, c'est un DVD. 3200 secondes à nous saouler. Qui aime bien, châtie bien, moi j't'ai charrié. À ce jeu, tu peux me croire, j'suis ton gradé. Kaylin, Hussein Elka, ok, Kaylin, hey, Aaron, Dadas, Fred Musa, Skyrock, Kaïs, Justin Records, Abdel Hit Only, hey, sur Skyrock, on fout le bordel. Kaylin, Kaïs, fais pas ta rebelle. Sur Skyrock, on fout le bordel. Kaylin, Kaïs, fais pas ta rebelle, rebelle. Parle-moi, j'ai toujours été d'ancrage. Depuis l'époque de Tantique, les opages, c'est que je suis rodage. Yes. J'ai le cœur large, j'ai les rêves sans barricadage. Walkman, feuille et je me bats comme une haragamane. L'artiste craque, kiffe, plus mes guises et je gratte hit. Tout devant l'homme, je ratise, un mauvais O6. Génial, prince de la ville, j'apprends les chatutes. Mais fais des kiffs sur cassette, t'es revopi. Sur Skyrock, on fout le bordel. Kaylin, Kaïs, fais voir ta rebelle. Sur Skyrock, on fout le bordel. Kaylin, Kaïs, fais pas ta rebelle. Ok, Skyrock, Kylie, aussi. Si. Paris aura New York. Ok, faites du bruit pour Kylie. Merci. Ouais. Merci. C'est la calache. Planète rap. Planète rap. Wesh, DJ K, Paris aura New York. Me donne la ce fort, j'entends LK, Wallah, t'es trop fort. 2015, j'arrache tous les gars, vous inquiétez pas, le rap, je le perds fort. T'as Zlatana, je lui glisse en le gardien, je place en Lulu. Comme Monjo, Younsa, que le, je vous prends tous à la que le. Bang, bang, c'est pour mes pirates qui, avec la pick rap, sont en osmose. 45 et laisse ça, rends les chaises de 1002 Cosmos. 5 nous raconte, pas ta vie, sort vite le bifoule, costos. Rafale à travers la vita, vite. Contre une basse tos, remballez vos crasseuses qui jouent les tos. Tu me parles de halal, ma petite gueule, mais ta v'là les dos. En vrai, je suis frais, je suis prêt. Par les vrais, je suis suivi de près. Sur les deux traits, je tire un trait. Je contourne le game à la craie. Hustine est dans le building. Versace, fais de pas chier. Moi, je fais pas dans le bling bling. La calache est dans le building. Ok, j'ai le cerveau d'un visionnaire. J'ai le cerveau d'un visionnaire. Les grosses couilles d'un révolutionnaire. Si le savoir est une arme, à la douane, je vais passer mon Glock dans un dictionnaire. Ici, y'a que de la haine au sommaire. Ton équipe de putes la mange dans le zemmer. Tout le rap français, je vais lui tordre sa mère. Avec moi, que des exécutions sommaires. J'suis pas là pour te plaire ou pour te satisfaire. Toujours opérationnel quand il s'agit de faire des grosses liasses de bif ou il s'agit de terre. J'suis pas une balance, mais s'agit. J'ai arrêté les cours en troisième. Sur mon faux, je t'emmène en croisière. Gros tard, fais côté passager. À bord d'un vaisseau, je passe la sixième. J'suis pas ton pote, fils de pute, arrête de parler bête. Ni ton que mes sales putes, arrête de faire la belle. Mon but, c'est de faire du bif et de me faire la belle. J'suis indépendant, va niquer ta mère, toi et ton label. Depuis le plus jeune âge, j'ai les flics aux pattes. C'est pour tous mes cassos, tous mes psychopathes. Avec qui j'ai claqué, j'ai cassé des barres au placard. J'pousse la barre et j'me bute au mat. Mes 45 kilos de frappe sur le beat pèse beaucoup plus lourd que ta tonne des nez. Au micro, c'est HOC, brrr. Comme la CC, tu sais, j'en ai éclaté des nez. Sagittaire, j'suis né pour les dominer. Tous les Chicard et Terre m'ont nominé. Depuis l'antiquité, je suis validé. La calache est toujours OP pour t'allumer. Je rallume mon calumé au chalumeau. Ces bâtards veulent ma peau comme Geronimo. Je vais les shooter, les choquer, les pare-choquer. 2015 pour récupérer ma barre choquée. Des aides vénères, je rafale dans la foule. Tous ces petits fils de pute repartent. Je suis pas là pour présenter, mais représenter les miens. Va niquer ta mère, j'ai du sang sur les mains. T'aimes pas ma gueule, prends un ticket, fais la queue. Mais s'il te plaît, ma gueule, arrête de mastiquer la queue. Hein? Paris, Oran, New York, DJ Case, Hussein, LK. Paris, Oran, New York, DJ Case, Hussein, LK. Paris, Oran, New York, DJ Case, Hussein, LK. En direct de Planète Rap, ça fait ratatatatata. Ok, Paris, Oran, New York, la famille est disponible. Vous allez le chercher, toujours dans les bacs, sur iTunes. Ok, dédicace à DJ Case, Justin Record, Mond 7, Malik, Hassin Lakalash, 45. Ouais. Yes, à l'instant en live. Aussi Nelka, Kylie qui était là aussi. Bien, hein, Case. Ouais. Lourd. Très bon freestyle. Très très lourd. Voilà, il y avait Kylie sur des sons un peu les clubs et tout, machin. Et Hassin, le bitume, le rap pur et dur. Eh ben merci à vous. En tout cas, on va faire un petit dernier tour de table. Hossein, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qu'on merci pourra bientôt entendre? Bah, on est là, on prépare un très très gros projet. On va pas trop en parler là. C'est pas, je pense que c'est pas le moment opportun. Là, on est là pour soutenir DJ Case. Il a fait un très très gros projet. DJ Case, Paris Oran, New York. Et voilà, merci à vous, merci à Skyrock, merci à DJ Case, Justin Record. Eh ben merci d'être passé aussi à toi. Merci à vous. Nordine, on continue, on fait le petit tour de table, un petit mot à ajouter, une petite dédicace. Nordine, on est venu expressément pour notre poteau. Ça fait plaisir. Comme une Belgique. Et en attendant, il fait plus chaud en Belgique ou ici? Ah oui, on est reparti là-dessus en fait. Ouais. Bah, au début, à la fin. Et à la fin, pour conclure. Bon, bah merci d'être passé en tout cas. Pas de problème, on va saluer aussi Aaron qui était là ce soir au micro nous. Ouais, bah pour moi c'est simple, j'ai un single Inch'Allah qui sort le lundi prochain sur Rental Family, qu'on prépare et tout. Et là, il y a les titres avec le frérot DJ Case qu'on va booster. Content et bah on reste connecté, l'été arrive, on y est déjà. Et bah bonne chance à toi pour la suite en tout cas. Merci frérot Fred. On continue avec Dadas qui est là aussi avec nous pour conclure. Alors, merci. Moi je dirais que Le passeport pour l'été, c'est l'album Paris aura New York 2015 pour avancer. Yeah. Allez, et big up à tout le monde. DJ Case, big merci up. D'être passé en tout cas ce soir. Merci. Kailin, je sais que tu bosses dur, on le disait tout à l'heure en début d'émission. Ouais, exactement, Paris aura New York, c'est la qualité, allez le choper, il est archi lourd. C'est que la, des qualité. La qualité. La qualité. Archi, archi lourd. Donc voilà, merci pour l'invitation. Bah, normal. Et c'était cool, merci. Et bah, merci à toi, à très vite. Merci, à très vite. Kailin était là aussi avec nous. On a salué tout le monde, merci bah ouais. Case, hein, je crois. Ouais. Et Bokobé qui est parti, Kamel l'ancien, voilà. On salue aussi. Est-ce qu'il reste un peu de temps pour mettre un dernier son ou pas? Non. Ah, faut que je fasse tourner la roulette, mais demain promis. Allez, on fait tourner la roulette juste avant, c'est parti. Skyrock t'offre tes 4 entrées pour le parc Astérix. Noéline de Nov, c'est bien ça? Oui, salut tout le monde. Salut Noéline, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Eh ben écoute, bienvenue dans le Planet Rap, DJ Case, Paris, Oran, New York, et puis toi Noéline. Ouais. Prête à faire tourner la roulette, on y va? Ouais, à fond. Allez, dès que tu veux, à fond, tu nous fais un beau stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et bien voilà, partout Tatis, c'est 4 places pour le parc Astérix. Oh, top, vous êtes au top. Et bien c'est pour toi, il y a 4 places pour toi, ta famille, tes potes, qui tu veux, pour aller au parc Astérix quand tu veux. Ouais, merci, je peux passer une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Ouais, je voudrais faire donc un bisou à mon chéri et à mes copines autour, donc à Tiffen, Lisa et Amandine. Eh ben merci voilà. À toi, je sais pas si t'es en vacances, passe de bonnes vacances si c'est le cas. Non, toujours au travail, ouais. Eh ben bon courage pour le taf, bisous Noéline. Merci, bisous. Ciao, ciao, merci Case. Merci Case. Peut-être une troisième fois. Merci Case. Merci oui, Fredo. Excuse-moi Case, il est. Oh, je vais pas te parler. Les studios. Qu'est-ce que tu racontais en plus? T'étais occupé à dire quoi, Case? On parlait de la Belgique, nous. Ah, des frites qu'on va manger dans passionnant, dis donc. Ah ouais, super. Les vacances de Case en Belgique. Ah, on parlait de la Belgique. On était sur Paris, au rond New York. On passe à la Belgique. À la Belgique. Bruxelles, voilà. Une envie de voir le Mannequin Pis, je sais pas pourquoi, d'un seul coup. Paris, au rond New York, Charleroi. Ouais, Charleroi, pas moi. Alors, on a réfléchi à un jeu ou pas pour le mix là? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah, avec la chaleur, pour réfléchir, c'était compliqué je aujourd'hui. Crois que ça ressemble, je pense que Difool est en train de se défiler. Non, non. Non, jamais. Moi j'ai appris l'année dernière à Romano à mixer. Là, ça va être Difool qui va mixer. Là. Non, mais je vais te faire un petit mix. Ouais, ça va être beau, tiens. Ça me rappellera quand j'apprenais à Guetta, Cut Killer et à tous ces gens à mixer. Bien sûr, c'est vrai, c'est toi qui l'auras appris tout ça, Difool. Bah oui. Dans le Bronx, à une époque même. Et on aura un des meilleurs DJ du monde, un DJ Roro aussi. Le meilleur même, ouais. Merci en tout cas, Case. Merci pour, c'était super aujourd'hui. Tu sais, dans la voiture, avec la chaleur, tu mets le son à fond, tu ouvres les fenêtres. Mortel, ça fait plaisir. Non, vraiment. Elle est encore là, Kailin, ou pas? Ouais, elle est là. Vas-y, passe, Kailin, je te fais un petit coucou. Tiens, Kailin, passe me voir. Ouais, vas-y, prends. Tiens, il y a un mec bizarre qui veut te raconter des blagues. Non, Kailin, c'est la qualité. Il y a Kailin Comedy Club qui veut te raconter une blague. Ben, il veut te raconter une blague comme ça. Je crois que c'est un dénommé Karim qui veut te parler. C'est moi qui cherche. Vas-y. Je voulais te voir. Tout à l'heure, il y a ton son qui passe et il fait ah bah je la connais, elle est super elle. Ah, et ben voilà. Bah mais t'as bougé la tête aussi après dessus hein. Oui. Ah bah merci, c'est très gentil en tout cas. Et pour faire bouger la tête de Difool. Ah oui. Il faut y aller. Il faut y aller. T'as même réussi à lui faire bouger le nez, sache que. Waouh. Wow. C'est très drôle. C'est bien, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il est drôle ce Karim. C'est fou. Ouais. Merci en tout cas. On te fait une grosse bise. Case, bon, on se retrouve demain déjà. Bah ouais, demain. Ouais. 20h-21h, ambiance le Planet Rap. C'est et puis ça. Fredo demain, 20h-21h. Et demain matin aussi, Fred. Hein. Demain, à pas louper, demain matin. 9h-midi. 9h-midi. Et ouais, juste après le morning de l'été, à pas louper. Et puis n'oubliez pas, il y a les vacances à gagner dans le morning de l'été entre 7h et 8h tous les matins. C'est direction Palma. C'est Palma hein. Malte. Malte, pardon. T'avais le bon nombre de lettres, mais c'est pas les bonnes. C'est ça. Autant pour moi, Malte. T'inquiète. Demain matin à gagner dans le morning avec le film Prof 2. Bon, on en reparlera demain avec Vincent. Passez une belle soirée et nous on va démarrer avec un autre DJ, tiens. Oh. On écoute Linon pour démarrer la soirée. Major Lazer, DJ Snake, plus Mo, la chanteuse. Ouais. On démarre avec ça et puis on vous attend dès maintenant. Hein. Vous avez chaud, on va se serrer les uns contre les autres ce soir. Non, justement pas. Et se balancer de la glace. Oui, soirée caliente ce soir. Restez bien dans le coin, Radio Libre au 01 53 40 30 20. Vous avez un truc à dire, vous voulez faire les cons avec nous, vous avez des conneries à faire. Eh bien c'est parti, on y va en direct juste après. Un tout petit peu de pub et puis Major Lazer et Linon. Merci Fred, salut Kate. Ciao. Cette année, le morning de Difool t'a encore...